Deuxième livre de Samuel, chapitre 12. Et l'Éternel envoya Nathan à David, lequel vint à lui, et lui dit, il y avait deux hommes dans une ville, l'un riche, et l'autre pauvre. Le riche avait du gros et du menu bétail en fort grande abondance. Mais le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis, qu'il avait achetée et nourrie, et qui était crue chez lui avec ses enfants, mangeant de ses morceaux, buvant dans sa coupe, et dormant en son sein, et elle lui était comme fille. Mais un homme qui voyageait étant venu chez cet homme riche, ce riche a épargné de prendre son gros et son menu bétail, pour en apprêter au voyageur qui était entré chez lui, et il a pris la brebis de cet homme pauvre, et l'a apprêté à cet homme qui était entré chez lui. Alors la colère de David s'enflamma fort contre cet homme-là, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, que l'homme qui a fait cela est digne de mort. Et parce qu'il a fait cela, et qu'il n'a point épargné cette brebis, pour une brebis il en rendra quatre. Alors Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi a dit l'Éternel le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour être roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Même je t'ai donné la maison de ton Seigneur, et les femmes de ton Seigneur en ton sein, et je t'ai donné la maison d'Israël, et de Juda, et si c'est encore peu, je t'eusse ajouté telle et telle chose. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui lui déplaît? Tu as frappé avec l'épée Uri les tiens, tu as enlevé sa femme afin qu'elle fût ta femme, et tu l'as tuée par l'épée des enfants de Ammon. Maintenant donc l'épée ne partira jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et que tu as enlevé la femme d'Uri les tiens, afin qu'elle fût ta femme. Ainsi a dit l'Éternel, voici, je m'en vais faire sortir de ta propre maison un mal contre toi, j'enlèverai tes femmes devant tes yeux, je les donnerai à un homme de ta maison, et il dormira avec tes femmes à la vue de ce soleil. Car tu l'as fait en secret, mais moi, je le ferai en la présence de tout Israël, et devant le soleil. Alors David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, aussi l'Éternel a fait passer ton péché, tu ne mourras point. Toutefois parce qu'en cela tu as donné occasion aux ennemis de l'Éternel de le blasphémer, à cause de cela le fils qui t'aimait mourra certainement. Après cela Nathan s'en retourna en sa maison, et l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, qui en fut fort affligé. Et David pria Dieu pour l'enfant, il jeûna et il passa la nuit couché sur la terre. Et les anciens de sa maison se levèrent et vinrent vers lui, pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point se lever, et il ne mangea d'aucune chose avec eux. Et il arriva que l'enfant mourut le septième jour, et les serviteurs de David, craignaient de lui apprendre que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, quand l'enfant était en vie, nous lui avons parlé, et il n'a point voulu écouter notre voix, comment donc lui dirions-nous que l'enfant est mort, afin qu'il s'afflige davantage? Et David aperçut que ses serviteurs parlaient bas, et il comprit que l'enfant était mort, et David dit à ses serviteurs, l'enfant n'est-il pas mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, se lava, soignit, et changea d'habit, et il entra dans la maison de l'Éternel, et se prosterna, puis il revint en sa maison, et ayant demandé à manger, on mit de la viande devant lui, et il mangea. Et ses serviteurs lui dirent, qu'est-ce que tu fais? Tu as jeûné et pleuré pour l'amour de l'enfant, lorsqu'il était encore en vie, et après que l'enfant est mort, tu t'es levé, et tu as mangé de la viande. Et il dit, quand l'enfant était encore en vie, j'ai jeûné, et pleuré, car je disais, qui sait si l'Éternel aura pitié de moi, et si l'enfant ne vivra point? Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Pourrais-je le faire revenir encore? Je m'en vais vers lui, et lui ne reviendra pas vers moi. Et David consola sa femme Bathseba, et vint vers elle, et coucha avec elle, et elle lui enfanta un fils, qu'il nomma Salomon, et l'Éternel l'aima. Ce qu'il envoya dire par le ministère de Nathan le prophète, qui lui imposa le nom de Jedidja, à cause de l'Éternel. Or Joab avait combattu contre Rabba, qui appartenait aux enfants de Ammon, et avait pris la ville royale. Et Joab avait envoyé des messagers vers David, pour lui dire, « J'ai battu Rabba, et j'ai pris la ville des eaux. C'est pourquoi maintenant assemble le reste du peuple, et campe-toi contre la ville, et la prends, de peur que si je la prenais, on ne réclame à mon nom sur elle. » David donc assembla tout le peuple, et marcha contre Rabba, il la battit, et la prit. Et il prit la couronne de dessus la tête de leur roi, laquelle pesait un talent d'or, et il y avait des pierres précieuses, et on la mit sur la tête de David, qui emmena un fort grand butin de la ville. Il emmena aussi le peuple qui était, et le mit sous des scies, et sous des herses de fer, et sous des haches de fer, et il les fit passer par un fourneau où l'on cuit les briques, il en fit ainsi à toutes les villes des enfants de Ammon. Puis David s'en retourna avec tout le peuple à Jérusalem.